1685, Louis XIV a réussi son pari fou, construire le plus fabuleux palais au monde. Mais le bonheur est de courte durée, car un inavouable secret où se mêlent amour, argent et pouvoir va jeter tout Versailles dans un mortel tourbillon d'intrigues et de trahisons. Le dernier secret de Versailles, le nouveau best-seller de Jean-Michel Rioux, un roman Flammarion. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ce matin, le site My Little Paris, vous connaissez ce site, j'imagine que, je ne sais même pas si vous n'êtes pas abonné, vous Céline. J'aime beaucoup, si ce je connais. Eh bien, ce site évoquait le vendeur de marrons chauds qui, depuis 50 ans, depuis un demi-siècle, embaume chaque hiver la place Saint-Germain-des-Prés face au célèbre café des Deux Magots. Tout à l'heure, avec le curé de Saint-Germain, nous allons évoquer l'histoire millénaire de cette abbaye. Mais comme je vous le disais, pour le moment, avant le Saint-Germain-des-Prés sacré, je vous propose le Saint-Germain-des-Prés profane, d'une certaine manière. Autant dire que nous allons plonger dans l'histoire d'un quartier de Paris qui s'est construit à l'ombre de cette abbaye extraordinaire. Rappelez-vous, c'était dans les années 1960, Juliette Gréco chantait Il n'y a plus d'après. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après demain, plus d'après midi. Il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre fois. Oh, s'il y a encore un autre fois à Saint-Germain-des-Prés, nous sommes là pour vous le prouver cet après-midi. Tout avait commencé, pour ce qui est de cette partie-là de l'histoire du quartier, tout avait commencé au 10 de la rue Jacob, dans un café qui s'appelait le Bar Vert, où l'on trouvait, dans l'entre-deux-guerres, un certain nombre d'auteurs. C'est Jacques Prévert qui est là, notamment Raymond Queneau, bien entendu, Roger Vaillant. On y croisait également le peintre Matta. Juste après la guerre, on continue d'aller, on revient d'une certaine manière au Bar Vert. L'époque est assez permissive. On fait la fête pour oublier la guerre. Le quartier rassemble toute une jeunesse éprise de liberté. Vous savez, on les appelait, lorsqu'ils se montraient sous l'occupation sur les Champs-Élysées, on les appelait les Azous. Eh bien, les Azous se sont repliés, si je puis dire, sur la rive gauche. Ils sont là, à Saint-Germain-des-Prés, dans ces années 1945, 46, 47. Le jazz fait ses premiers pas, évidemment. En 1946, c'est l'ouverture du L'Orientais, qui est une cave de l'hôtel des Carmes. On est rue des Carmes. Celui qui va populariser cette nouvelle musique, qui va faire aimer le jazz aux Français, c'est Claude Luther, bien entendu. Il popularise un jazz bien particulier, le jazz de la Nouvelle-Orléans. Vous savez, les Américains, pardon, ne sont pas passés en vain. André Leduc, c'est le propriétaire du Bar Vert, va décider d'étendre en quelque sorte son petit empire. Il repère un bar qui s'appelle Le Tabou, un bar qui est ouvert la nuit. C'est le repère des ouvriers des messageries et des employés de la presse quotidienne. Faut pas oublier qu'on est à une époque où un grand nombre de quotidiens sont imprimés là dans les, on va dire, dans les environs. Le bar en question possède une superbe cave voûtée et le duc va en récupérer l'usage. Il ouvre le 11 avril 1947 Le Tabou. On est donc rue Dauphine. Voilà ce que nous dit Jean-Paul Caracalla, qui a écrit un très joli ouvrage sur ce quartier, sur cette époque. On entre au Tabou, nous dit-il, par une porte vitrée et derrière un rideau. Et c'est déjà la cohue. Robert Auboineau, fils de diplomate, neveu d'amiral et brillant journaliste, filtre la clientèle, ceci pour le respect du statut de club privé selon la loi de 1901. Seuls passent les personnalités, les têtes connues, disons-le, les copains. On descend alors en faisant bien attention à ne pas se cogner, un abrupt escalier de pierre, pour aboutir à un long couloir voûté genre station de métro très sale, à l'une des extrémités, une estrade en forme de paillote, à l'autre, un bar en chêne à côté d'un réduit appelé vestiaire. Dans son manuel de Saint-Germain-des-Prés, voilà ce qu'écrit Boris Vian. À la demande de Chauvelot, je formais un petit orchestre de jazz. Tous les amis venaient là faire la jam, ou plutôt faire un bœuf selon l'expression consacrée. Très vite, le tabou devint alors un centre de folie organisé. Disons-le tout de suite, aucun des clubs qui suivirent n'a pu recréer cette atmosphère incroyable, et le tabou lui-même ne la conserva hélas pas très longtemps. C'était d'ailleurs impossible. Oui, il y a comme ça, on ne sait pas pourquoi, des moments où cristallise un certain esprit, où vous avez la grâce dans un lieu. Généralement, effectivement, c'est furtif. Cet esprit des lieux est tellement volatile. On croise à l'époque, dans cette cave du tabou, on croise Boris Vian, je vous l'ai dit, Juliette Gréco, bien entendu, Yves Montand, toute cette faune zazou. De temps en temps, dit-on, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui, disons-le, s'y font nettement plus rares. On joue ici, on danse, on fume, on boit. À cette époque, Gréco est l'égérie de la vie parisienne. Elle ne s'est même pas encore lancée dans la chanson, parce qu'il faut dire que Juliette Gréco ne se met à chanter qu'en 1949. On demanda à Gréco et Casalis ce qu'elles étaient, nous dit Anne-Marie Casalis elle-même en parlant à la troisième personne. Elles répondirent « existentialiste ». Un journal, c'était samedi soir, le nom du journal, un journal s'empara du mot, il fit bientôt fureur et l'on appela existentialiste toute cette bande de jeunes qui hantaient Saint-Germain-des-Prés. Empressons-nous de dire que cet existentialisme-là, nocturne si je puis dire, et très pratique, n'avait pas grand-chose à voir avec la doctrine de Sartre, ce qui d'ailleurs avait pour don d'agacer beaucoup Simone de Beauvoir. L'ébullition provoquée par le tabou n'est pas du goût des riverains, vous pouvez l'imaginer. Il y a même des pétitions qui sont signées pour dire, écoutez, cessez ce bruit, cessez ce tapage nocturne. En vain, bien entendu. On va néanmoins déserter le tabou, mais parce qu'encore une fois, l'esprit n'y est plus. En juin 1948, c'est devenu trop populaire, il y a trop de gens qui viennent là, si vous voulez. Et la petite troupe va se replier vers le club Saint-Germain qui ouvre au 13 de la rue Saint-Benoît. Je vous propose d'entendre quelques notes de Dizzy Gillespie pour nous mettre dans l'ambiance. Gillespie, extraordinaire sur l'antenne d'Europe 1. Il y avait aussi Miles Davis, Charlie Parker. C'est Vian qui va faire venir Duke Ellington au club. Vian lui-même ne joue plus de trompette, il peut plus en fait pour des raisons de santé, mais il dirige toujours la revue Jazz News à cette époque. Bref, c'est aussi le moment où la cave de la rue des Carmes, le Lorientais, va fermer. Ça déménage vers le sous-sol du théâtre du Vieux Colombier. En 1948, la Rose Rouge quitte la rue de la Harpe pour la rue de Rennes. Ça va devenir un des premiers cafés-théâtres parisiens où vont se produire Léo Ferré, Juliette Gréco et Michel Piccoli, etc. Toute une époque. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, notre balade à travers le temps dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Alors, je vous propose de remonter une centaine d'années en arrière maintenant. À partir du milieu du 19e siècle, dans ce quartier de Saint-Germain-des-Prés, où vont naître ces fameux cafés qui vont faire la célébrité de Paris. Vous savez, il y a deux grandes villes en Europe où les cafés sont une institution, c'est Vienne, et nous avons eu l'occasion d'en parler, bien entendu, de tous ces grands cafés viennois qui ont eu un rôle politique majeur, et puis, peut-être plus intellectuel, un peu plus bohème, sans doute, les cafés parisiens. À la fin du 19e siècle, le quartier subit, on peut dire, des transformations de fond en comble, comme tout Paris du reste. Il ne faut pas oublier que le baron Haussmann est passé par là et qu'il va notamment percer cette espèce de terrible, je dis terrible, enfin ce boulevard Saint-Michel qui est une trouée absolument incroyable à travers ce vieux quartier. Les cafés littéraires et artistiques de l'époque ont été décrits par un certain Auguste Lepage, qui en avait fait un livre en 1882. Voilà ce qu'il nous dit. « Les environs de l'Odéon ont perdu leur ancienne physionomie. Voyez, on disait déjà ça à l'époque. Je me sens un peu visé là dans des cas comme celui-là, parce que moi qui passe mon temps à dire « Ah, c'est en train de se perdre, on est en... » Ben oui, c'est la vie peut-être. Les environs donc de l'Odéon ont perdu leur ancienne physionomie. Les étudiants, les professeurs habitent un peu partout et ne se croient plus obligés de demeurer dans le quartier des écoles qui, comme son nom l'indique, réunissaient autrefois, quand je dis autrefois, depuis le Moyen-Âge, les anciens collèges, les ancêtres de nos universités. Le percement des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain a beaucoup contribué à ce changement, dit-il. Beaucoup de vieilles rues ont disparu, les loyers ont augmenté, mais pour les étudiants surtout, il y a eu cette manie de paraître. Cette manie de paraître qui a décidé beaucoup d'entre eux à passer les ponts. Et oui, les quartiers à la mode à partir du milieu du 19e siècle sont les quartiers de la rive droite. On s'en va sur ce qu'on appelle les grands boulevards là-haut. Et donc les étudiants, ils passent leur temps sur la rive droite, bien entendu. Les boulevards des Italiens et Montmartre, nous dit le page, ont plus d'attrait que le voisinage des écoles. Le café Molière au carrefour de l'Odéon a disparu. Son voisin, le café de l'Europe, également disparu, a servi de centre de réunion à des jeunes gens qui se sont fait un nom dans les lettres. Le café Voltaire a pourtant gardé quelque chose de la physionomie d'autrefois. Il est le rendez-vous de beaucoup d'écrivains qui viennent causer et surtout lire les journaux et les revues. Ça, c'est fondamental. On venait autrefois dans ces cafés pour lire et pour lire la presse. Ça faisait partie des traditions. Vous savez, on emmanchait les journaux sur ces grands manches de frêne et on les roulait et déroulait et on lisait et on s'échangeait les nouvelles. On s'échangeait aussi les commentaires qu'on pouvait faire sur ces nouvelles. Alors on voit là, notamment au café Voltaire, qui est le plus ancien. Hein, les fondations du café Voltaire, c'est 1750-1751. Vous voyez, donc ça fait partie des vieilles institutions parisiennes. On croise là Verlaine, Rimbaud, Léon Valade, des gens qui font la presse, qui font la politique aussi. J'ai cité Jules Vallès, Léon Gambetta aussi est un véritable, j'allais dire, pilier de comptoir dans le meilleur sens du terme, vous me comprendrez bien. Quant à Delacroix, qui vient d'installer son atelier Place de Fürstenberg, on sait qu'il affectionne particulièrement cet établissement. Alors, il y a à Saint-Germain-des-Prés trois cafés qu'on ne peut pas ne pas nommer, évidemment, sont les plus célèbres aujourd'hui, le café de Flore, le café des Deux Magots et la brasserie Lip. Alors on ne sait pas exactement quand est né l'aîné des trois, et donc le café de Flore, au début des années 1870. Ça c'est sûr, on est dans ces débuts de la Troisième République, on est après l'effondrement de Sedan, après le siège prussien, après la Commune de Paris, mais... Est-ce que c'est en 73-74? Toujours est-il que ce café de Flore doit son nom à une statue de Flore, une statue de la divinité païenne qui se trouve de l'autre côté du boulevard Saint-Germain. Pourquoi va-t-on au café? Demande Jean-Paul Caracalla. Le café, dans le monde moderne, joue le rôle que jouait l'agora dans la cité antique. Il est à la fois le lieu de rendez-vous et le lieu d'échange. Et il y en a qui savent vivre au café. Je dis bien vivre, hein, parce qu'on y passe des journées entières. Voilà ce que nous dit Jean Moréas. Autrefois, dit-il, il parle du café de Flore, autrefois j'y arrivais à 8h du matin et n'en sortais qu'à 5h du lendemain matin. Voilà ce qu'on appelle aller au café. Ah ben oui, là on n'y va pas pour rien. Et l'on croise avec le temps, il faudrait évoquer les différentes époques, mais quand on se rapproche de celle de la période dont je parlais tout à l'heure, celle du jazz et de l'après-guerre, on croise là des dadaïstes, et Breton et Soupeau, et Zara, etc. Alors, les deux autres, les Deux Magots et la brasserie Lip, naissent très peu de temps après, à peu près au même moment, on va dire. Les Deux Magots se trouvent entre le café de Flore et l'abbaye elle-même, si vous voulez. Ces deux maisons, donc les Deux Magots et la brasserie Lip, sont juste à peu près contemporaines, on va dire juste un tout petit peu plus jeunes, semble-t-il, que le café de Flore. Il n'y a pas de réelle concurrence entre eux, plutôt une sorte d'émulation. On va voir aux Deux Magots, alors vraiment toute la fine fleur des lettres françaises et même internationales. On sait que Mallarmé, que Giraudoux passaient leur vie, littéralement, au café de Flore. Le peintre Fernand Léger et Picasso plus tard. Hemingway aussi. Hemingway était un habitué. On voit donc cette espèce de population qui va faire la célébrité du café, parce qu'on vient là aussi pour apercevoir les auteurs. En 1933 est créé le prix littéraire des Deux Magots, dont le premier premier lauréat sera Raymond Queneau pour Le Chien d'Anne, donc en 1933. Et puis Lippe, alors Lippe, c'est pas tout à fait la même chose. À l'époque, en tout cas, Lippe, c'est une brasserie alsacienne au départ, nettement moins onéreuse que les deux cafés dont je vous parle. Lippe est à coup sûr un des endroits, le seul peut-être, où l'on puisse avoir pour un demi, le résumé fidèle et complet d'une journée politique ou intellectuelle française, dit Léon-Paul Fargue. Il ne faut pas oublier qu'on est encore une fois dans la proximité d'un certain nombre de rédactions de grands quotidiens de l'époque, qu'on n'est pas très loin non plus du Sénat, bien entendu, hein, qui après la guerre deviendra le Conseil de la République. Alors, tous ces cafés sont très célèbres, aujourd'hui encore, ils ne désemplissent pas. Il y en a un qui est leur père à tous, d'une certaine manière. Je vais vous raconter son histoire dans un instant, et ça va nous ramener encore un siècle et demi en arrière. C'est le café Procope. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission et nous envoyer vos messages, vos questions également par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Saint-Germain-des-Prés. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à Saint-Germain-des-Prés et à ses cafés mythiques. Alors, on ressaute encore un siècle, même presque deux siècles en arrière, puisqu'on est en 1684. En 1684, un monsieur Procopio, il signor Procopio, va ouvrir le café, donc Procope. Là, bien avant le Flore et les deux Magots, bien entendu, ça va être le premier grand café de non seulement du quartier, mais de la capitale, bien entendu. Au départ, l'établissement était situé rue de Tournon, pour tout vous dire, hein, donc à proximité du palais du Luxembourg, et il va déménager assez vite rue des Fossés Saint-Germain. Le propriétaire, nous dit Caracalla, abat murs et cloisons afin de créer de vastes salles, bientôt ornées de tapisseries et de miroirs, éclairées de lustres de cristal, meublé de tables de marbre et de sièges confortables. On aurait adoré connaître ce tout premier café du XVIIe siècle. On est en plein milieu du règne de Louis XIV. Hein. Le Procope ouvre ses portes donc en 1689. Le bruit se répand dans tout Paris. Un endroit calme et raffiné sert café, liqueur et friandises diverses. Vous imaginez ça? Alors évidemment, l'installation assez à peu près au même moment, hein, le 18 avril 1689 exactement, de la Comédie française juste en face, va faire la fortune de ce café Procope. Ce n'est pas un hasard, le déménagement a été voulu pour, évidemment, avant, après les représentations. N'oubliez pas que les représentations de théâtre à l'époque se donnaient ce que nous appelons nous l'après-midi, hein, et puis pour essayer de ne pas trop se mettre dans la nuit, vous n'oubliez pas le coup des bougies et des chandelles de l'époque. Donc les représentations avaient lieu entre 15 et 19 heures d'une manière générale, donc on venait au café avant, après, et ça va devenir une extraordinaire mode. Le client le plus célèbre du café Procope, vous le savez, c'est Voltaire, qui ne manque jamais d'être là, bien entendu, notamment lorsqu'on représente ses différentes tragédies à la Comédie française. Et à l'issue de la deuxième représentation de sa Sémiramis, il débarque un soir au café, coiffé d'une perruque d'emprunt, vêtu de la défroque de l'abbé de Vieilleville, le nez chaussé de bésicle. Évidemment, il est là pour passer inaperçu, parce que son but, c'est d'entendre ce qu'on dit de lui, et notamment d'entendre ce que disent son grand ennemi Fréron et tous ceux qui sont autour de lui. Il prépare immédiatement sa riposte, bien entendu. On est dans ce foisonnement d'un quartier qui, disons-le, avant même que Saint-Germain-des-Prés ne soit totalement englobé dans l'urbanisme et dans la ville de Paris, un quartier qui a toujours été un quartier extrêmement actif, à la croisée du commerce et des études. N'oubliez pas la proximité immédiate, hein, de ce quartier des écoles dont on parlait tout à l'heure, de ce quartier latin. Un quartier aussi où, dès 1482, Louis XI avait autorisé l'établissement d'une foire. Cette foire se tenait d'ailleurs, alors elle avait déménagé, hein, elle a bougé un peu. Elle se tenait sur les jardins de l'ancien hôtel de Navarre, sur un terrain qui appartenait aux moines de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'était une foire vraiment très importante que cette foire Saint-Germain. Vous savez, quand on raconte la vie de Molière, notamment, on ne sait quasiment rien de la vie de Jean-Baptiste Poquelin, et pour cause, hein, elle est en grande partie mythique. Je ne vais surtout pas me lancer aujourd'hui dans cette polémique, mais en tout cas, on raconte que petit, il allait à la foire Saint-Germain avec son grand-père, qui lui montrait justement les funambules, les saltimbanques, banque, les comédiens sur les tréteaux de foire. C'était ça, cette foire Saint-Germain. On y faisait des pantomimes, etc. Il y avait des montreurs de marionnettes, des danseurs, etc. Et ça durait du 3 février au dimanche de Pâques. Donc, c'était toute la fin de l'hiver et le début du printemps qu'on fêtait, que les Parisiens, si je puis dire, de l'époque venaient fêter à la foire Saint-Germain. On est maintenant tout près de l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, de l'histoire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et pour cela, je vais laisser la parole à beaucoup plus compétent que moi. Bonjour mon père, vous êtes le curé de Saint-Germain-des-Prés, vous connaissez évidemment votre paroisse mieux que quiconque, et avec vous nous allons revenir sur cette histoire millénaire, et on va se rendre compte même que c'est une histoire quasiment bimillénaire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du millénaire du plus vieux clocher de Paris, avec votre invité, le père Benoît de Cinetti, curé de Saint-Germain-des-Prés. Alors mon père, il faut que nous revenions sur les origines de cette abbaye, en essayant de la replacer dans son paysage, si je puis dire. Cette abbaye, pendant très longtemps, aujourd'hui elle est au milieu des boulevards, il y a de la circulation, enfin on est vraiment au cœur de la ville, au cœur de la capitale, avec au bout de cette terrible avenue de Rennes, hein, qui est très passante. Mais à l'époque, on est en pleine campagne, on est dans les champs, dans les prés. Au VIe siècle, quand Childéric, fils de Clovis, décide de faire construire une abbaye dans laquelle il souhaite être inhumé, il fait venir de Autun, en Bourgogne, un petit moine, Germain, voilà, qui est un type connu, mais pas archi connu non plus, et qui arrive à Paris pour construire l'abbaye. Voilà, au VIe siècle, il y a des prés, sans doute des marais, on est au bord de la Seine, loin de Paris, qui est replié sur l'île de la Cité, et puis un petit peu rive droite, et à peine rive gauche. Et voilà, et donc il crée son abbaye avec ses moines. Alors, vous dites au VIe siècle, oui, on est en 550 en gros. Ouais, 40-50, hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est difficile de dater précisément. Bien sûr, à cette époque c'est toujours difficile, mais on a peine à se représenter, bien entendu. On n'est même pas un siècle après la chute de l'Empire romain, on est vraiment là dans le haut Moyen-Âge, hein, dans cette époque mérovingienne, assez mystérieuse. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi ressemblait cette toute première abbaye ? Oui, alors on pense que l'église avait plutôt l'architecture d'une église byzantine, avec une coupole. Les toits étaient en cuivre, ça on le sait parce qu'elle s'appelait Saint-Vincent, Germain n'était pas encore mort. Ah oui, donc, au départ c'était Saint-Vincent. Ah oui, Saint-Vincent, Sainte-Croix, pour abriter la tunique du diacre Vincent, ramenée de Saragosse par Childebert. Donc c'est une basilique, c'est un lieu de pèlerinage. C'est alors. Un lieu de pèlerinage, oui. Et puis un morceau de la Sainte-Croix de Jérusalem. Et le toit était en cuivre, ça on le sait, parce que quand les Vikings vont détruire l'abbaye en 920, ils vont la détruire s'ils vont piquer le cuivre des toits. Comme quoi, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui qu'on prend le cuivre sur les bâtiments. Avant les Roumains, il y avait les Normands, voilà. Et donc l'abbaye va se retrouver sans toit. Et les bâtiments des moines aussi. Et donc, forcément, les bâtiments vont s'abîmer. La vie, ça va péricliter jusqu'à ce qu'un certain abbé Morard surgisse et fasse reconstruire tous ces bâtiments. Alors, le millénaire que vous célébrez ne parle, lui, que de la reconstruction de l'abbaye. Mais elle a vécu, cette abbaye, pendant longtemps, avant, sous les Mérovingiens, sous les Carolingiens, bien entendu. Elle a été une sépulture mérovingienne très importante. Encore aujourd'hui, lorsque vous marchez boulevard Saint-Germain ou sur la place de Saint-Germain-des-Prés, lorsque vous passez en métro le long de l'église Saint-Germain-des-Prés, vous contournez la plus grande sépulture mérovingienne, nécropole mérovingienne connue actuellement. Vous avez des dizaines de tombeaux qui sont recensés, et ça a été même une abbaye royale, puisque les rois mérovingiens ont d'abord été inhumés à Saint-Germain-des-Prés. C'est une nécropole royale, oui, en fait. Absolument. Alors, on a toujours à l'esprit Saint-Denis. Oui. Certains rois mérovingiens sont à Saint-Denis, du reste. Ils ont été transférés, Alors, au fil des siècles, notamment après la Révolution, lorsque l'abbaye a été très abîmée, transformée en usine, en fabrique à salpêtre. C'est une autre histoire. Les tombeaux ont été vandalisés, mais certains, les pierres tombales ont été déplacées à Saint-Denis. Alors, on est dans une partie absolument essentielle de la capitale, donc au sud, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien Paris quand même, citons un peu tout ça, on est au sud de la Seine, bien entendu, sur ce qu'on appelle la rive gauche. Le croisement du Cardo et du Decumanus de l'ancienne cité romaine est tout près de là, hein. On est vraiment aux frontières du quartier dit latin, en fait. C'est donc pendant très longtemps, un lieu qui est à la fois, encore une fois, assez champêtre et propice aux études. Il va y avoir assez tôt dans le Moyen-Âge des écoliers qui s'installent là. Absolument. naissance de l'université, de la Sorbonne, ce qui va donner d'ailleurs lieu à des conflits très violents entre les moines et les étudiants. Vous avez une bande de terrain d'une dizaine d'hectares à l'époque, le long de la Seine, pas très loin de l'abbaye, qui s'appelle le Pré au Clair. Voilà. Bande de terrain vague, voilà, qui servait de cours de récréation aux étudiants de la Sorbonne notamment, qui aimaient venir voilà, y jouer, s'y rencontrer, sans doute draguer un peu aussi. Et cette bande de terrain est à deux pas du monastère. Donc l'abbaye était gênée par ces étudiants qui chaque jour allaient et venaient chahuter, faisaient la fête, etc., etc. Et donc les moines cherchent à faire interdire l'accès aux étudiants. S'ensuit des bagarres homériques, des morts de part et d'autre. On se tire dessus avec des arcs et avec des lance-pierres. Les moines derrière leur créneau de l'abbaye, les étudiants narguant les moines. Enfin, des années de conflits entre moines et étudiants, avec l'université derrière qui agitait un petit peu les choses. Les moines dont on parle sont des moines bénédictins. Bénédictins, oui. Donc ce sont un peu les intellectuels de l'Église, si l'on peut dire. Voilà, c'est la règle de Saint-Benoît donc qui rythme la vie monastique entre la prière, le travail et le repos. Et ce sont un peu ceux qui, au Moyen-Âge, vont être... C'est les grandes images qu'on a des moines du Moyen-Âge, les copistes, voilà, ces grandes enluminures. C'est eux qui recopient les livres des Écritures Saintes, les psautiers, tous les livres de chants grégoriens qui vont être transmis de monastère en monastère. L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés est une abbaye puissante, il faut le dire, qui a de vastes territoires et qui a des liens avec d'autres abbayes. Oui, mais qui est très jalouse de sa puissance et de son autonomie. Elle comptera jusqu'à 200 moines dans sa plus grande gloire. Voilà. Et ces terres, pour ceux qui connaissent un petit peu la région parisienne, la juridiction de l'abbé va au-delà d'ici les Moulineaux, aujourd'hui, et même plus loin encore, puisque dans le Perche, il y avait des prieurés, par exemple, qui dépendaient directement de Saint-Germain-des-Prés. C'est dire que la puissance et le rayonnement de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés étaient jusqu'au XIVe, XVe siècle absolument impressionnant. Est-ce qu'on connaît à peu près l'importance, la taille de cette communauté religieuse? Combien de moines étaient à l'abbaye? Au fait de sa puissance, 200 moines. Eh oui, hein. Ouais. Donc c'est une communauté très importante. C'est-à-dire que ce que nous voyons aujourd'hui, l'église elle-même, c'est l'ancienne abbatiale. Oui. Mais il faut imaginer qu'à cette abbatiale était accolé forcément à un cloître, qu'il y avait tous les logis conventuels, c'était une petite ville dans la ville, d'une certaine manière. C'était une ville en dehors de la ville. Oui, d'ailleurs en dehors dans un premier temps. Oui. Et puis, en fin de compte, dans la ville, un historien avec qui j'en parlais récemment me disait, en fait, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés était comme un peu un vestige du Moyen-Âge au cœur d'un quartier de Paris qui était extrêmement développé, déjà extrêmement riche. Beaucoup de personnes puissantes aimaient à y séjourner. Et cette abbaye était toujours la même depuis le Moyen-Âge. Alors, il y a un nom qu'il faut citer, et c'est lui que vous célébrez en ce moment à travers ce millénaire du plus vieux clocher de Paris, c'est l'abbé Morard. Qui était l'abbé Morard? Alors l'abbé Morard, c'est un moine bénédictin qui est rentré comme jeune moine dans cette abbaye de Saint-Germain-des-Prés alors qu'elle était très délabrée après les incursions vikings qui l'avaient donc bien mise à mal. L'église était quasiment effondrée, les bâtiments conventuels étaient très endommagés. Quelques moines subsistaient là, essayant de survivre et bricolant comme ils le pouvaient. Il faut quand même imaginer qu'à l'époque, chaque printemps, la peur saisissait tous les habitants de la Seine, depuis l'océan jusqu'à l'intérieur des terres, parce que les drakkars allaient revenir. Et voilà, on avait peur de ces vikings. On avait peur de ces vikings. Et donc on n'osait pas trop reconstruire ce qui avait été détruit, parce qu'on savait que ça allait être de nouveau mis à bas par les nouvelles incursions. Et cet abbé Morard, qui lui a peut-être plus de force de caractère que les autres, qui est entreprenant, dès 990, convainc ses frères et le roi de l'époque de débloquer des fonds pour pouvoir reconstruire de manière plus importante encore cette abbaye. Et c'est ce qu'il va entreprendre de 990 à sa mort en 1014. Et nous savons que lorsqu'il meurt en 1014, sont déjà bâtis le clocher, la nef, les chapiteaux de l'église sont sculptés, pour ne pas parler des bâtiments qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui étaient les bâtiments de logement des moines. On imagine le fourmillement de ce que devait être ce chantier pendant un quart de siècle à la fin de la vie donc de cet abbé Morard. Ça devait occuper des centaines de personnes, bien entendu. Et il faut acheminer toutes les pierres depuis des carrières qui sont locales. Oui, c'est pas des carrières très lointaines, mais quand même. Hein. Et puis il y avait beaucoup d'artisans. On parlait pas encore d'artistes à l'époque, on parlait d'artisans. Les meilleurs artisans venaient de toute l'Europe pour pouvoir apporter leur talent, leur génie à la reconstruction de ce lieu. Avec un lieu qui est évidemment roman, mais qui est un roman déjà d'une élévation, d'une luminosité tout à fait exceptionnelle, disons-le. Et, Et puis, cette tour-clocher qui subsiste aujourd'hui était entourée à l'époque de deux autres tours. Il y avait un triple clocher, c'était d'une très grande élégance. C'était extrêmement aérien comme silhouette. Et cette tour-clocher qui subsiste... plus grande que les deux autres, c'est ça? C'était alors, plus... la tour-clocher actuelle était plus grande que les deux autres, qui étaient au nord et au sud de cette tour, qui ont été arasées après la Révolution parce qu'elles avaient été fragilisées par des explosions. Donc on voit très bien sur les gravures de Paris, absolument, etc. Jusqu'au 19e siècle, elles existaient. Et cette tour-clocher paraît encore très fortifiée. C'est un des derniers vestiges de fortification du Moyen-Âge qu'on peut voir à Paris, parce que précisément, il fallait pouvoir se réfugier en cas d'attaque qui, Dieu soit loué, n'ont pas eu lieu. Et on pourrait penser que c'est avec cet abbé Morard l'apogée de l'abbaye. Pas du tout, elle va s'accroître encore, elle va gagner en importance, en influence également au XIIe, au XIIIe siècle. Elle a d'ailleurs accueilli le pape Alexandre III, me disiez-vous? Alors le pape Alexandre III, qui est venu poser la première pierre il y a 850 ans de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et qui avait été invité par les moines à consacrer l'église parce qu'elle avait été reconstruite par l'abbé Morard, mais jamais consacrée. Et donc le pape Alexandre III se présente donc pour pouvoir consacrer l'église. Il est accompagné par toute sa suite, des cardinaux, des évêques, des princes, et puis parmi eux, l'évêque de Paris, Maurice de Sully, bien connu parce que grand constructeur de bâtisseur de Notre-Dame de Paris. Et arrivant aux portes de l'abbaye, les moines s'émeuvent de la présence de l'évêque de Paris, qui n'a pas juridiction sur leur abbaye, et donc disent à leur père abbé, il n'est pas question que l'évêque pénètre dans notre enceinte. Alors l'abbé va voir le pape, et dit au pape, écoutez, très Saint-Père, on ne peut pas accueillir l'évêque de Paris. Le pape délègue deux cardinaux pour aller apprendre à l'évêque de Paris qu'il est persona non grata dans l'abbaye, et Maurice de Sully fait machine arrière, rentre à Paris, sans doute très agacé et très vexé de cette situation, qui montre bien que jusqu'au XVIe siècle, il y avait vraiment deux hiérarchies catholiques à proximité, celle de l'autorité de l'évêque et de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés. Et pour que le père abbé de Saint-Germain-des-Prés ait pu faire plier l'évêque de Paris et mis, si j'ose dire, le pape de son côté, il fallait qu'il soit très puissant. Encore une fois, très grande, très importante abbaye, une des plus importantes d'Europe au 14e siècle. 14e, 15e siècle, oui, absolument. Merci de le dire et de la faire revivre, parce qu'on passe souvent maintenant devant une église qui est une très belle et ancienne église paroissiale, et on oublie que c'était autrefois l'abbatiale de cette gigantesque abbaye. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Jean-Sébastien Bach sur Europe 1 avec un extrait de l'oratorio de Noël. Nous fêtons à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche le millénaire de Saint-Germain-des-Prés, et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, le père Benoît de Cinetti. Je suis arrivé à Paris il y a une petite trentaine d'années avec d'autres étudiants. Nous allions déjeuner au restaurant universitaire Le Mabillon. Et alors, on s'était dit un jour, mais qui était ce fameux Mabillon? Parce qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Et ça a été un grand intellectuel, et c'était un moine de Saint-Germain-des-Prés. Mon père. C'est la réforme mauriste du XVIe siècle. C'est ça, hein. Et qui, la règle de Saint-Benoît qui est modifiée par des moines qui veulent davantage se consacrer à l'étude intellectuelle, à la recherche intellectuelle et historique. Et Mabillon est une des grandes figures de cette nouvelle génération de moines. Le roi l'envoyait dans l'Europe entière pour y chercher et collecter des manuscrits. Il avait mis en place une méthode d'authentification des sceaux, des signatures, qui permettait de donner une dimension plus scientifique, plus systématique à l'étude historique. Il est encore enseigné à l'école des Chartes aujourd'hui, par exemple. C'est dire l'importance qu'il continue d'avoir dans ce milieu de la recherche historique. Vous hébergez Descartes également, il faut le dire. On héberge Descartes. Le pauvre Descartes, il avait été inhumé au cimetière de Sainte-Geneviève, donc là où le Panthéon se dresse aujourd'hui. Et à la Révolution, eh bien, il a fallu trouver un autre lieu pour déposer ses cendres. Et il a été déposé à Saint-Germain-des-Prés. Ses cendres ont été déposées à Saint-Germain-des-Prés entre celles de Mabillon et celles de Montfaucon, un autre moine très érudit des pères grecs et latins de l'Église. Il est en bonne compagnie. Ils sont tous les trois en très bonne compagnie. N'est-ce pas? Alors cette abbaye va perdre un peu de son importance dans le courant, à la fin du XVIIe et surtout dans le courant du XVIIIe siècle. Dès avant la Révolution, elle n'est déjà plus qu'elle avait été à sa grande période, évidemment. Non, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette rivalité de pouvoir entre Paris et l'abbaye va connaître un nouveau tournant. Elle est englobée maintenant. Elle est englobée, hein. elle est mangée par Paris, pourrait-on dire. Et donc, l'autorité de l'abbé ne s'exerce plus que sur la seule enceinte de l'abbaye. Donc très vite, tout cela perd un peu de son charme, en tout cas de sa puissance, et l'abbaye périclite. Voilà. Et c'est vrai que quand la Révolution éclate, la vie religieuse monastique en France n'est pas en très très bon état de manière générale et n'est pas en bon état à Saint-Germain-des-Prés en particulier. Non, bien sûr. Il y a encore beaucoup de vestiges des grandeurs abbatiales d'autrefois. Quand on se promène dans ce quartier, quand on a la chance d'être invité dans les maisons privées, parce que malheureusement tout ça est totalement englobé dans un quartier maintenant, hein, on se rend compte qu'il y a encore des murs entiers, des morceaux de bâtiments, et puis surtout un jardin extraordinaire qui était l'ancien jardin potager des moines. Enfin, tout ça existe encore aujourd'hui, mais c'est caché par les maisons, si je puis dire. Mais sans être invité chez les habitants du quartier, on peut déjà dans les magasins qui peuplent quartier. Dans les rez-de-chaussée des immeubles, rue de l'Abbaye, rue Jacob, rue Bonaparte, place de Fürstenberg, on rentre dans les boutiques et on voit que il y a un mur entier qui est en fait un porche magnifique du Moyen Âge. On voit des ruines, des pierres qui servent de présentoir aux objets divers et variés qui sont vendus dans ces boutiques. Non, on a encore beaucoup d'occasions de contempler les vestiges de tous ces bâtiments. Alors il y a eu évidemment à partir de 1790 la saisie des congrégations, comme on disait, des communautés religieuses. On expulse les moines, tout simplement. Alors, pas seulement à Saint-Germain-des-Prés, hein, c'est dans toute la France, ça, bien entendu. Les moines sont expulsés. L'église est très vite, en 1792, transformée en fabrique de salpêtre, puisqu'il faut faire de la poudre pour les canons, parce que la République est en guerre, donc il faut de la poudre pour les canons. Et donc les citoyens sont invités à venir déposer, vendre la poudre qu'ils récupèrent chez eux pour qu'elle puisse être travaillée et servir d'explosifs. On dit qu'il y avait tellement un tel volume de poudre dans l'église qu'elle montait presque jusqu'au sommet des voûtes au centre de la nef. Voilà. C'est dire qu'aujourd'hui, on en constate les dégâts, puisque le salpêtre est un sel qui attaque la pierre, et donc on a aujourd'hui à gérer les conséquences aussi de cette époque-là. Mais la Révolution, c'est aussi l'époque en septembre 92, où une centaine de prêtres sont rassemblés dans une des chapelles de l'église pendant 3 jours, avant d'être exécutés sur le parvis de l'église Saint-Germain-des-Prés, comme on l'a au Carme, rue de Vaugirard, ou dans d'autres endroits du centre de la capitale. Oui, ce sont vraiment les heures sombres de l'histoire de cette abbaye de Saint-Germain-des-Prés, évidemment, qui ne retrouvera jamais son statut d'abbaye, disons-le, puisque sous la fin du consulat et au début de l'Empire, ça devient la paroisse du quartier, en quelque sorte. En 1802, elle est redonnée pour le culte, réaffectée au culte, et elle devient une paroisse du diocèse de Paris. Mais cette paroisse est en très mauvais état, parce que tout a été vidé. Il n'y a plus un mobilier, plus un tableau, plus une statue, plus une sculpture, plus rien. Voilà. Donc il faut remettre dans l'église un certain nombre d'objets, de meubles, et en plus, une explosion qui a eu lieu dans les bâtiments conventuels où était entreposée la poudre en 1795, a mis à mal la structure aussi de l'église elle-même. On songe alors à pouvoir la raser, quitte à la reconstruire une autre église à la place. Et de nombreux débats, de nombreux courants vont à des pétitions. Victor Hugo lui-même prend parti avec le curé de l'époque pour demander à la République et à la ville de Paris de sursoir à cette décision et de restaurer ce bâtiment. Oui. Ils vont avoir gain de cause. On nomme un grand architecte, là. Alors, il y en a eu deux, en fait. Il y a eu Hippolyte Gode, qui a été un grand architecte de l'époque et qui a entamé une première tranche de travaux très importante. Puis, en 1840, c'est Baltard, alors bien connu des Parisiens pour le pavillon Baltard, entre autres. Les anciennes halles de Paris, qui va conduire les travaux avec un peintre, qui est un peintre très connu à l'époque, qui a fait des portraits de Napoléon III, de tous les grands bourgeois, toutes les grandes familles de l'époque, qui s'appelle Hippolyte Flandrin. Qui est réputé pour 2 choses. D'abord pour sa grande foi. C'est un peintre dont on disait de lui qu'il était le saint laïc. Son grand amour de Fra Angelico, comme tous les peintres de son époque. Et puis aussi parce qu'il est le peintre le plus cher du marché. Voilà. Et c'est lui qui va avoir la responsabilité de décorer l'église avec son école. Et ça, c'est un extraordinaire legs magnifique dont vous êtes aujourd'hui le dépositaire. Absolument. Et que nous essayons aujourd'hui de restaurer, parce qu'avec le temps et la pollution, beaucoup de choses se sont dégradées. En plus, cette peinture est une peinture à la cire qui est particulièrement compliquée à restaurer. Donc avec la ville de Paris, on est en train aujourd'hui d'entamer une grande campagne de restauration. Et vous évoquez Hippolyte Flandrin dans un des tableaux, justement, qui sont présentés au public ce week-end. Voilà. Alors si vous voulez, l'église a été complètement transformée pour 3 jours. Les vitraux ont été tous obstrués, les chaises ont été enlevées. 3000 bougies fournissent l'éclairage une de l'ensemble sans chaises, entre parenthèses, sans rien chaise, que ça, c'est merveilleux. Parce que on ne dira jamais le mal que le 19e siècle a fait à toutes nos églises en collant des chaises. C'était tellement beau, ces églises. En plus, très inconfortable. Enfin, en plus, très inconfortable, souvent. Je ferme la parenthèse. Et donc, vous rentrez dans l'église. Enfin, les gens sont invités à rentrer dans l'église. Et là, dans cet univers un peu féerique, un peu magnifique, eh bien, il déambule à travers 5 tableaux vivants, incarnés par des paroissiens, des bénévoles en costume d'époque, les moines, la Révolution, l'atelier du peintre Flandrin, les terrasses de café des années 20 et puis la paroisse aujourd'hui. Ouais. Donc ça, ce sont des tableaux qui sont animés par des gens bénévoles, hein, par des paroissiens. 400 bénévoles qui se relaient tout au long du week-end en 3 équipes. Ça a dû demander une préparation incroyable. C'est surtout un enthousiasme extraordinaire. Si vous voulez, c'est un peu un puits du fou à l'échelle d'une église de quartier. Quoi, voilà. Formidable. Alors, je rappelle bien les horaires. Donc c'est entrée libre, disons-le. Gratuit, dans sans la mesure réservation. Du possible, parce que évidemment, si vous avez 500 000 personnes, ça va être difficile. Plus de 500 000 personnes. C'est à partir donc de ce soir, c'est de 20h30 jusqu'à minuit. C'est ça. Et puis demain, toute la journée, de 10h30 du matin jusqu'à minuit également demain, samedi. Et dimanche, de 10h30 encore, et ça s'arrêtera à 17h pour laisser place aux vêpres, j'imagine. Oui, et puis à la messe à 19h. Et voilà. Oui. Donc, on célèbre le millénaire de la mort de cet abbé Morard, faut le dire, hein, c'est bien ça que vous célébrez exactement ? Tout à fait, tout à fait. À qui on doit la reconstruction de l'église actuelle. Voilà, c'est lui qui a reconstruit l'église. Alors, tous ces bénévoles travaillent. Une fois que tout ça sera fini, il y aura encore une exposition, quels sont les événements prévus ? Alors, on prévoit à l'horizon 2015-2016 une grande exposition avec la ville de Paris sur l'histoire de Saint-Germain-des-Prés. Les dates ne sont pas encore fixées parce que c'est un travail assez énorme. Mais enfin, oui, il y aura une suite certainement. On dit, c'est un de mes auditeurs qui dit ça, alors j'ai mis le message là, c'est Coulon qui me dit qu'une superbe sculpture de métal représentant un ange a été installée sur la place de l'église et il vous félicite. Félicitez pour moi, dit-il, le père de Cinetti, d'avoir pris option pour cette sculpture moderne magnifique. C'est vous qui avez fait entrer la modernité dans Saint-Germain-des-Prés. J'aime beaucoup Bruce, qui est un sculpteur et qui, en discutant avec lui il y a 6 mois, m'a dit, mais moi j'aimerais bien faire quelque chose pour ce millénaire. Et j'ai dit, faites-moi un ange. Voilà. Et donc, il a fait un ange qui accueille les visiteurs tout le mois de décembre. J'aime bien l'expression « faites-moi un ange », si vous voulez bien. Nous allons en rester là cet après-midi. Merci beaucoup, mon père, de nous avoir fait voyager à travers tous ces siècles d'histoire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, dont on célèbre en ce moment même le millénaire de la reconstruction. Un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question d'Audrey. Elle souhaite connaître les origines de la neutralité de la Suisse. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Audrey. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait connaître les origines de la neutralité de la Suisse. C'est d'autant plus intéressant et pertinent que pendant très longtemps, les Suisses ont été de sacrés guerriers. Vous savez que jusqu'au XVIe siècle, les différents cantons étaient partie prenante de tous les conflits diplomatiques et donc militaires de l'Europe. Les mercenaires helvétiques notamment vendaient un peu leurs forces aux plus offrants. On a, nous, l'exemple célèbre de la bataille de Marignan, évidemment, en 1515, 13 septembre 15. 1515, où François Ier les a vaincus, vous le savez. Alors, le traité de Fribourg, à partir de 1516, stipule aux Suisses de s'abstenir de participer aux conflits européens. Ils ne doivent plus se battre contre la France, et c'est une paix qui est une paix perpétuelle. Elle ne sera rompue qu'en 1798. Ce qui n'empêche pas les Suisses de continuer à se battre pendant la guerre de 30 ans. À l'issue de cette guerre, au traité de Westphalie, en 1648, l'empereur germanique et, d'une façon plus générale, les différentes puissances européennes reconnaissent l'indépendance de la Confédération helvétique. En 1798, donc, vous savez que Napoléon, enfin Bonaparte, devrais-je dire, intervient en Suisse. La Suisse perd sa neutralité, on forme une république helvétique. Et c'est seulement après tout ça, au moment de la défaite française de Leipzig en 1813, que la Suisse va enfin et définitivement proclamer sa neutralité. La date à retenir, c'est donc 1813. Là, la neutralité de la Suisse est effective. Elle sera entérinée par le congrès de Vienne 2 ans plus tard et ce sera la charte de neutralité de la Suisse. Hein. Alors, vous savez que depuis, on y a fondé, enfin c'est Henri Dunant qui en 1863 y a fondé la Croix-Rouge. On y a installé le siège de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, ce qui d'ailleurs était sans doute plus sain qu'à New York, comme aujourd'hui, en 1920. On sait ce qu'il en a été malheureusement de l'évolution de la Société des Nations. Le droit de neutralité est reconnu en 1907 par le traité de La Haye. Il est appliqué en cas de conflit armé international. Et évidemment, ce qui est un paradoxe énorme, c'est que les Suisses aujourd'hui ont fait de cette neutralité une véritable arme. C'est assez passionnant tout ça. Il y aurait beaucoup encore à en dire. Bonjour Marion Ruggieri. Bonjour Franck, aujourd'hui nous recevons une princesse, figurez-vous, de Savoie, du Piémont et de Venise. Saurez-vous dire qui c'est ? Ben Clotilde. Et voilà, c'est la comédienne Clotilde Courau qui remonte sur scène où elle lit les lettres d'amour d'Édith Piaf et c'est quelque chose. Et puis nous recevrons aussi l'écrivain et académicien Dominique Fernandez qui publie un petit livre vachement bien fait sur ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Ben, je vais y arriver. Je ne sais pas si l'Académie accepterait le vachement, mais enfin c'est comme ça. Merci beaucoup Marion. Merci à vous Franck. Nous nous retrouvons lundi Céline. Avec grand plaisir Franck, à lundi.